Ça, c'est Paulette. Et Paulette vous dit merci. Merci pour la petite sieste au soleil. Et merci d'acheter le pack fraîche Lustucru Sélection aux œufs de plein air. C'est bon pour elle. Et pour vous.